Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Déjà une semaine que l'on s'était perdu de vue. Heureusement, vous êtes revenus, et moi aussi, ça tombe bien. Votre émission Dansez maintenant démarre maintenant sur les chapeaux de roue avec aujourd'hui beaucoup de surprises. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, nous avons une spécialiste de l'amour, elle s'appelle Arlette et elle interviendra tout à l'heure pour nous parler encore d'amour, évidemment, puisque c'est sa spécialité. Nous retrouverons aussi, si tout va bien, Monsieur Christophe Pesset, mais peut-être, allez savoir que nous aurons d'autres personnes en studio. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia. C'est une belle petite ambiance piano-bar, cette musique. Et puis, on va retrouver maintenant Monsieur Christophe Pesset, quoique, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises aujourd'hui. Allez, l'accordéon Nouvelle Vague, c'est maintenant. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Mon frère Gabriel et moi profitons des vacances pour faire l'émission de papa. Nous nous sommes glissés dans les studios et nous avons trouvé un CD qui nous plaît. C'est le CD de Madeline. Madeline a 7 ans et elle a un accordéon rose. Oui, c'est ça Gabriel, tu as raison. On va l'écouter maintenant dans un passodoble qui s'appelle Toro Passo. Thank you. C'était un passe-doble. Maintenant, on va écouter une valse qui s'appelle La Boudinée, composée par son papa Patrick et toute l'équipe de Top Accordéon. Thank you. Maintenant, on va écouter un tango. C'est le tango d'un, deux, trois musettes. Comme dirait papa, on choisit une belle cavalière et place à l'amour. Sorgia FM. Eh bien, dis donc, une rubrique exceptionnelle. On retrouvera la suite tout à l'heure. On retrouvera nos présentateurs vedettes aujourd'hui, Corentin et Gabriel, juste après. Mais voici qu'arrive dans le studio notre amie Arlette. Oh, bonjour à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on court après le temps. Eh oui, Hubert, le temps passe vite. Ah oui. Mais les mots, la musique restent. C'est vrai ça. Souvent, les artistes nous laissent en héritage des chansons pleines de douceur et de tendresse. Il nous suffit de savoir écouter. Dans les années 50, Max François écrit ce texte qui a pour titre « Fou de vous ». Mm-hmm. Michel Aimer, auteur-compositeur, lui adapte une jolie musique. Hélas, cette chanson restera dans un tiroir près de 15 ans. Triste, mais en 1966, André Claveau la découvre et en fait un grand succès. Ah. C'est un boléro plein de douceur. « Fou de vous », André Claveau. C'est fou ça. Je suis fou de vous, je n'ai plus qu'une envie dans la vie, c'est vous chérir. Fou de vous, je suis fou de vous, de vos yeux si doux, de votre goût, de tout, ce que vous en pensez, je n'en sais rien, je vous l'avoue. C'est peut-être insensé, je le sais bien, mais je m'en fous, fou, fou de vous.

Rock and roll, ça fait du bien. Au revoir à tous. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine ? Bien sûr que le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Parfait. Au revoir Hubert. Au revoir Arlette, merci et donc, comme prévu, à la semaine prochaine. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Allez, un petit besame mucho. Et on va danser aujourd'hui le Charleston. Aujourd'hui c'est la fête et rien ne nous dérange. Y a des paillettes et toi tu mets ta robe à franges. On est revenu

partout. C'est un air de chez nous, et quand la cloche sonne, il faut rentrer chez nous. Una canzone italiana, sì, una bella, bella canzone. Tu sei per me la più bella del mondo, è un amore profondo, mi lega a te. Tu sei per me una cara bambina, primavera divina. Per il mio cuore splende il tuo sorriso, sul dolce tuo bel viso, gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amore. Tu sei per me la più bella del mondo, è un amore profondo, mi lega a te. Tutto, tu sei per me. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Alors je vous l'ai promis tout à l'heure, on va retrouver la suite de la rubrique de Christophe Pesset, devrais-je dire, aujourd'hui de Corentin et de Gabriel Pesset. C'est parti pour l'accordéon Nouvelle Vague. Sorgia. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Et voilà, on est au retour. Mais chut, il ne faudrait pas que papa sache qu'on fait l'émission à sa place. Mais tant pis, on continue. On va encore parler de Madeleine. Madeleine a même son propre site internet, madeleine.net. On va tout de suite l'écouter dans un rock'n'roll qui s'appelle In the Mood. Bref, dans l'ambiance. Alors place à la viennoiserie. Non, j'ai dû me tromper. Écoutons maintenant une valse viennoise. Elle s'appelle Suite Valse numéro 2. Thank you. Et bien voilà, pour nous, c'est bientôt la fin. Et surtout, si vous avez préféré notre émission avec Gabriel, il ne faut surtout rien dire à papa. Il pourra être jaloux, mais avant la fin, on va juste se présenter. Je m'appelle Corentin, j'ai 8 ans, et moi aussi je joue de l'accordéon. Et moi je m'appelle Gabriel, et puis j'ai 4 ans. On vous souhaite tous les deux une très bonne semaine, et on va terminer avec un Santiano. Merci Hubert, et à bientôt. À bientôt. Merci les enfants. Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Cette danse commence, unissant nos pas. Je suis bien quand je danse avec toi. Et ce rêve soulève mon cœur en émoi, m'emportant où le bonheur est roi. Ta grâce m'enlace en tourbillonnant, que nous valsons inlassablement. Tu es belle, rebelle.